Conversas muitas e boas e muito variadas ao longo destes 5 dias de emissão. Eu sou a Noemi Gonçalves, da minha parte ficam os votos de que tenha a continuação de um ótimo fim de semana. Até breve. fazer hoje, porque amanhã sei que voltas a arranhar. Stick a stone, it's the end of the road, it's the rest of the stone, it's a little alone. Temos pena de quem não te tem, temos pena se não lhes convém, temos pena de quem quer ficar a dizer mal e eu. Liga a música. Ligue à Antena 1. Aquí estaba la pregunta y un flip y que te estimula. Pregunta y un Tony que sin papel. Y aquí empieza un pasa mal tamaño. Y si me haya millo, si me haya pillón. O bongo loco, o zapatillo. No va a caber nada, cara. Larga tiene palima y azul. Paño morgado. Para mais, para mais. Bom dia, são 8 horas no continente e na Madeira, 7 nos Açores. Imigração, o líder do PS insiste que Portugal precisa de um Estado social capaz de responder a quem procura o país para viver. Os socialistas dividem-se sobre a posição assumida por Pedro Nuno Santos. O secretário de Estado da Administração Local e Ordenamento do Território criou, já depois de ser governante, duas empresas que podem beneficiar das alterações à Lei dos Solos, apurou a RTP. O estado do tempo vai agravar-se este fim de semana. As autoridades alertam para a possibilidade de inundações. O novo treinador do Futebol Clube do Porto é esperado esta manhã na Invicta. Já estão 12 graus no Porto e em Coimbra, 14 em Lisboa, 16 graus em Faro, a esta hora 14 graus em Ponta Delgada e 17 no Funchal. Notícias, edição de Miguel Soares. Pedro Nuno Santos defende que Portugal precisa de um Estado social capaz de responder a quem procura o país para viver. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Marionneau, 1 rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous la vie et réservez chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional, pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité ? La boulangerie artisanale L'Atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité. Fait maison à base de farine 100% française et des viennoiseries croustillantes. Profitez de l'offre 4 baguettes pour seulement 3 euros. L'Atelier Papille, c'est aussi une restauration gourmande et variée. Savourez nos plats chauds, sandwichs, salades fraîches ou pizza. L'Atelier Papille, au 73 rue André Bossot, sur la Nationale 20 à Fleury-les-Aubrais, en face de Norisco Polytechnique, ouvert tous les jours de 6h30 à 20h. Pour votre santé, bougez plus. Eh bien, le bonjour à tous. Bonjour Philippa. Coucou. Ça va ? Ça va et vous ? On est un peu en retard. Bon, dans quelques minutes, parce que je suis arrivé un tout petit peu en retard. Toujours le même. Non, pas du tout. Je vois pas du tout. Si, si. Pour une fois que c'est pas toi. Je suis jamais en retard. Hein. Elle arrive quand même à 9h pile. Hein. Oui, et bah, c'est l'heure. C'est bah, l'heure. Moi, je suis arrivé à 9h01. Voilà. Et encore. Oui, alors encore. Et en plus, il est même pas coiffé. Il le voyait pas, ça. Donc, on n'était pas obligé de le préciser. Si c'était nécessaire. On se retrouve aujourd'hui pour une émission tout à fait normale, du coup avec nos chroniques que nous allons faire donc dans notre émission. Quelle est ta chronique du jour, Philippa ? C'est 5 conseils pour voir la vie en positif. C'est pour bien commencer l'année. Mmh, et oui. Et du coup, moi, je reprends une des chroniques qui a une de mes premières. Donc, ça va être un top 3 sur un artiste que vous allez découvrir ou que vous connaissez du Portugal. Donc voilà, on n'en dit pas plus et on commence en musique. Tranquillement pour se réveiller et pour mettre de la bonne humeur. Dans ce... Bon, il n'y a pas encore de soleil ce week-end, mais... Non, pas encore. Plutôt nuageux. Plutôt nuageux, mais on va attirer le soleil. Ouais, je pense. Nós somos iguais. Mas quem te disse que eu estou doido, doido nesse amor para correr ao teu portão? Guardar a chave, oi, oi, do coração. Ai, ai, tua viola, ui, ui. Vou ser livre sem paixão, ai, ué. Eu hoje quero é paz. Fez. Um, dois, três. Já foi a conta que Deus fez. Et ce week-end dernier, c'était un petit événement qu'on a eu beaucoup de monde cette année, beaucoup de personnes, et qu'on a été très contents de vous voir tous dimanche dernier, du coup, à l'espace Radio Arc-en-Ciel pour notre galette. Et oui, bah merci à tous d'être venus. L'ambiance était super bonne. On a pu danser, rigoler, c'était super. Ah ça oui, danser. on était sur scène, nous. On n'a pas eu trop le choix. Ah oui, on n'a pas eu trop le choix là. Non, on rigole. Mais c'était très sympathique avec beaucoup de monde, avec le groupe. Ousminiot. Voilà, j'arrivais pas à trouver leur nom. Qui sont venus chanter des chants portugais avec nous pour la galette. Et il y a eu des fèves qui sont retrouvées avec des belles couronnes sur la tête. Et oui, il y avait plein de personnes qui sont devenues rois, reines. Et voilà, c'était bien. Tout à fait. Et en plus, on avait prévu un petit jeu qu'on avait. On n'a pas eu le temps de les poser les questions et tout. Mais j'ai eu la petite idée de le faire aujourd'hui. Parce que Philippa, dans sa chronique, qu'on verra tout à l'heure, va vous faire gagner quelque chose. Bon, je dis rien. Et bah, on va vous faire quand même le petit questionnaire qu'on vous a fait qu'on avait préparé pour dimanche. Comme ça, au moins, on le fait. Oui, voilà. Comme ça, on l'a pas fait pour rien. Parce voilà. Que c'est vrai que c'était serré dimanche quand même pour. Tout à fait. En plus, avec tout le monde parler, se retrouver, c'était la première sortie de l'année de Radio Arc-en-Ciel. Alors, ça se fête. Et alors, il y avait du mouvement bien. Quand même. Près de belles danses aussi à oui. Table. On a passé un très bon moment et de bons chants aussi. Hein. Mmh. Le petit garçon qui chantait très très bien. Oui, franchement, il a du potentiel. Et... Voilà, inscris-toi à The Voice, au passage, Star Academy. Pourquoi pas, hein. Donc voilà. Mais en tout cas, on vous remercie d'être venu à cette belle après-midi Galette des Rois, Radio Arc-en-Ciel. Et oui, merci beaucoup. Et sachez que les événements ne s'arrêtent pas à janvier. On va continuer. Voilà, et... Radio Arc-en-Ciel est là pour vous passer un très bon moment. De très belles fêtes toute l'année. Et donc oui. C'est l'année en plus où en novembre on fêtera nos 40 ans, donc ça se fête. Et oui, ça se fête grandement. On continue en musique toujours avec Rui Bandel. Thank you.

esquecei as modas de voz. Quando ouvir a moda do Minho, mais um ar é bater um beijinho. O corpo gosta e ninguém se cansa. Sai ouvir a gostar que dança. Quando ouvir a moda do Minho, mais um ar é bater um beijinho. O corpo gosta e ninguém se cansa. Sai ouvir a gostar que dança. Et on va continuer avec une petite dédicace que je fais personnellement pour ma petite filleule qui nous écoute, parce que j'ai reçu une petite vidéo qui nous regardait au passage. Donc je fais des bisous à Sarah qui nous écoute et à ma marraine aussi qui a filmé du coup la petite vidéo. Et je crois qu'il y a quelqu'un ici avec nous qui est juste à côté de Philippa aussi, et oui, qui s'appelle Alexane, qui est ma sœur, mais qui ne veut toujours pas parler pour l'instant. Peut-être qu'un jour on y arrivera. On va y... Non mais d'ici la fin de la journée, on va réussir à dire au moins un mot pendant l'émission quand même. Au moins qu'elle... peut-être qu'elle dira au revoir, qui sait. Qui sait. Est-ce que tu veux dire un mot pour Sarah, Alexane? Tu veux pas dire un mot pour Sarah? Non, elle est définitivement, elle veut pas parler pour l'instant. On va réussir à gratter quand même. On va y arriver, on vous promet. Et donc pour ces dédicaces, on écoute Kalema. Thank you.

Ça dit pas quelque chose, Philippa? Et si, encore ma musique préférée. Elle nous gave avec cette musique, elle nous gave. Mais non, c'est lui, il l'a mis. Pas du tout. C'est qu'il pense beaucoup à moi, c'est pour ça. C'est que je peux pas me... Je suis obligée de me la supporter toute la journée. Heureusement, vous n'êtes pas là. Et je suis pas si compliquée. Hein. Ça dépend les jours. Oh, ben, on peut parler pour toi. Le matin, bonne humeur, ça dépend des jours. Il dit ça, mais c'est lui le plus aigri entre lui et moi. Il n'y a pas de preuve. Ah bah, venez à la radio et vous verrez que c'est lui le plus aigri. Peut-être, peut-être pas, on verra. Et après, on continuera avec notre musique qu'on a dansée justement le week-end dernier. Est-ce que tu peux bien nous prononcer le nom de la chanson? En fait, tu me cherches, hein. À un moment, il me souffle. Attends, t'as dit quoi? Ah, c'est bon, j'ai dit une fois déjà, c'est déjà beaucoup. Hein. On continuera du coup avec le groupe Marotoche de Concertine. Vas-y, dis-le. Ah. C'est Amand de sua filia. Elle s'appelle Philippa, c'est pour ça que c'est la même chose. Allez, on écoute ta musique. Et qui est? Los Hermanos, Ana Julia. T'as quand même regardé le titre, hein. Je dis ça, après c'est une fan. Quero pedir a mão da sua filha, aquela que o senhor concedeu.

mãozinhas pra cima de todo mundo que tá presente aqui. Canta junto. Que saudade. Mais alto. Te abraçar. De ficar, nos trancar, te despir, fazer amor até o sol, até o sai do chão. E vai chover 5 dias sem parar. Do show! Te abraçar e sentir o teu calor, te ouvir a tua voz, de ficar contigo a sós, nos trancar, te despir, fazer amor. Solo me que yo era solo para ti. Mentías, tú no me decías que sin mi amor no eras feliz. Mentías, de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Mentías y yo te creía, me destrozaste el corazón. Mora hoje, como

meus desejos. Quero-te muito me perder. Em teus braços quero enlouquecer. E faz-me acreditar que és o meu condor. Vou voar contigo louca, louca, louca com o nosso amor. Cintura com cintura, aperta-me o teu jeito, balança o teu corpo. Cintura com cintura, encosta o teu peito. quase um rabo de saia. E eu sei que não passa. Em sexta-feira essa folia, eu até raiar o dia. Eu vou cair na cachaça. A mulher me abandonou, meu patrão me desprezou. Já que tá tudo ferrado, vou cair no arrasta-pé. Topo tudo que vier. Quem já teve um grande amor bar. Ia, ia, ui, a palpar o meu bumbum. Neste baile das mulheres não há respeito nenhum. Ia, ia, ia, ai, elas encostam-se a mim. Neste baile das mulheres todo homem canta assim. Na boca e na porta do céu. Ai, ai, ai.

Donc maintenant, on va passer pour la dédicace que Jérôme nous fait. Donc elle le fait, il le fait pour sa mère, pour Mathis et pour moi. Donc on le remercie. Et il a choisi comme chanson Danza con Duro de Lucenzo. Kuduro. Après, on dit que moi avec l'accent. Mais c'est, ouais, il a choisi une musique très connue que là, dans votre salon, il faut danser, faut bouger. Voilà, c'est ça. Et après, on se retrouve tout de suite après pour la chronique. 5 conseils pour être positif. Que se te metió y no te deja quieta, nena. ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta y sacude duro. No te quites ahora, que tú solo empiezas. Mueve la cabeza y sacude duro. La mano arriba, cintura sola. Continuer avec une dédicace, car hier c'était l'anniversaire de Marilyn, la chanteuse de Capanegra. Et du coup, on comptait lui faire une petite dédicace. Donc, pour toi, Marilyn, joyeux anniversaire. Et on écoute To You. Estou aqui. Cantamos juntos. mim. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. Ai, uê, lelele, estou aqui. Gosto dela, é donzela. Vou fazer aham com ela. On va continuer avec ma chronique qui va être donc comment être positif tous les jours. On donne 5 conseils. Donc ce qu'il faut savoir déjà, c'est que notre cerveau il retient 3 fois plus de choses négatives que le positif. Je sais pas toi Mathis, mais quand on raconte un souvenir, souvent, on raconte du passé qui est pas forcément bon, alors qu'en fait il y a beaucoup plus de positifs, c'est juste qu'on retient plus le négatif. C'est pas faux. C'est pas faux du tout même. Voilà. Donc, un des conseils, c'est qu'il faut faut choisir de vivre en regardant, du coup, le verre à moitié plein. Donc, si par exemple, vous imaginez, votre verre et vous vous dites, oh purée, il manque la moitié du verre avant qu'il soit plein. Au lieu de vous dire j'ai déjà la moitié, c'est cool. Et ben en fait c'est une technique pour se dire ok j'ai pas ça mais j'ai ça. Donc déjà on peut positiver là-dessus. Tout à fait. Et du coup ne pas regarder le négatif. Voilà c'est ça. Et après on a donc se focaliser sur ce qu'on a plutôt que sur ce qu'on n'a pas. C'est un peu la même chose. C'est on peut se faire la liste tous les matins ou dès que ça va pas trop, de se dire là j'ai ça qui va bien, j'ai ça qui va bien. Par exemple, je travaille bien, j'ai des bonnes notes. On peut se dire ça au lieu de se dire aujourd'hui j'ai ma paire de chaussures qui est sale quoi. Enfin, par exemple. Donc garder le positif. Attirer le positif plutôt. Voilà, c'est ça. Le positif attire le positif. Et du coup, c'est pourquoi il faut qu'on identifie ce pourquoi on peut être reconnaissant. Par exemple, on peut être reconnaissant parce qu'on est en bonne santé ou parce qu'on a des amis, de la famille. Ou, garder le positif. Voilà, c'est ça. On peut avoir de la chance en amour ou pas. Mais il faut se dire que peut-être qu'on a de la chance en amour. Peut-être que notre travail, il se passe super bien. Peut-être qu'on a une famille qui est à nos côtés, qu'on a des amis qui sont précieux. Peut-être parfois plus que de la famille. Donc, faut se dire ça. Faut se reconcentrer sur les choses auxquelles on peut être reconnaissant. Donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous faire un petit rituel d'une minute. Pour mettre le cerveau en état positif. Donc c'est se dire tous les matins moi j'ai ça et je suis trop contente d'avoir ça. Tout à fait. Je vais me faire une liste dès ce soir. Mais oui, il faut essayer hein, parce que franchement c'est des petits rituels comme ça qui fait que on se sent super bien après. Ensuite le deuxième, je regarde aussi la fiche. Oui, le troisième. Ah, le troisième. Oui, en plus, je sais pas hier. Et du coup, quel est le troisième? Ah, tu veux pas le dire? Non, je vous vois pas d'ici. Hein, on l'a accroché l'affiche, la belle affiche que Philippa nous a faite. On l'a accroché dans les studios de Radio Arc-en-Ciel. Mais je le vois pas d'ici. En fait, je vois juste les écritures, mais très, très vite. Et d'ailleurs, on peut même vous le faire gagner, cette affiche. Donc, on va vous poser une question. Le premier qui appelle, il gagne l'affiche. Et je peux vous dire que l'affiche, elle est super bien. Elle a passé 2 heures hier soir. 2 heures rien que pour vous, vous imaginez? Donc pour le troisième, c'est se faire des compliments. En fait, on oublie souvent, souvent on oublie de se faire des compliments. On fait des compliments aux autres, on fait plein de compliments et on se fait jamais de compliments à soi. C'est une normalité de se faire des compliments, c'est pas être narcissique, hein. C'est s'auto-satisfaire. Pas mal. Donc faut se faire des compliments. Vous regardez dans un miroir tous les jours, vous dites oh là là, qu'est-ce que je suis beau, c'est très bien. À faire, du coup devant le miroir, se regarder à faire. Bon, Philippe a dit qu'il faut dire qu'on est beau aujourd'hui. On a des beaux cheveux, on a des beaux cils, peut-être une belle bouche, peut-être des beaux yeux, on sait pas. Après, ça peut être à l'intérieur, se dire je suis super gentille aujourd'hui, je vais l'être encore plus quoi. Je te laisse. Ah bah. on a déjà eu des appels pour faire gagner l'affiche alors que on n'a pas encore posé la question. Ça a été très vite, hein. Mais on va faire vous gagner la question du coup à la fin de sa chronique à Philippa. Donc pour lui remettre l'affiche à la personne qui aura gagné. Donc voilà. On continue en musique avec Anna Mena. Te pegué los cuernos, mi amor por ti es eterno. De tu mamá yo soy el yerno. Tú tienes todo, pero tú sabes que por ti yo soy enfermo. Y tú tienes money, tú tienes lana. Yo quiero estar contigo hasta que me salgan canas y de pana. Poco comámonos la manzana, pero no me dejen cuero por la mañana, mala. Eres como un mueble en mi salón, un caso perdido que en mi cama se metió. Y empezaron los problemas. Du coup, bah, on revient à la fin de sa chronique parce que du coup, Philippa, comme je disais, quelqu'un a essayé de l'appeler pour donc gagner, essayer d'avoir déjà l'affiche, alors qu'on n'a pas gagné, posé la question. Bah oui, c'est ça. Donc ça me fait plaisir quand même. Mais quand j'aurai posé la question, à vos téléphones et vous appelez. Voilà. Donc on te laisse finir. Donc on était du coup se faire des compliments, donc l'autosatisfaction, donc se faire des compliments tous les jours, c'est pas mal, hein. Et par contre, Ce qu'il faut faire attention, c'est oui, il faut se faire des compliments pour se sentir bien. Mais par contre, oui, on se fait des compliments, mais on faut éviter de dénigrer les autres parce que au final, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Parfois, les gens, ils manquent de confiance en eux et ils critiquent les autres. Mais je vous jure que c'est pas la bonne manière. Juste de se dire qu'on est beau, qu'on va réussir ce qu'on fait, c'est déjà très très bien. Et du coup, pour la suite, donc le quatrième conseil que j'ai à vous donner, c'est de fuir les personnes négatives. Parce que en traînant, en se baladant avec des gens qui sont négatifs pour nous, et bah, ça va forcément influencer sur notre comportement, sur notre pensée, sur nos sentiments. Enfin, on peut passer une très mauvaise journée juste parce qu'on est entouré de gens négatifs. Bon bah... ça c'est un bon conseil à retenir du coup. Donc faut, même si c'est compliqué, même si des fois on sait pas trop, il faut s'entourer des gens positifs pour se charger d'ondes positives, parce que comme on disait tout à l'heure, le positif attire le positif. Voilà. Et du coup voilà, c'est très très important d'être avec des gens qui nous poussent vers le haut et qui ne nous dénigrent pas. Donc voilà. Donc dernier conseil, c'est croire en soi pour dépasser les difficultés. Parce que souvent, on a du mal à se dire qu'on pourrait y arriver, que... voilà. Donc, en fait, c'est quelque chose de très important. C'est la clé de la réussite, c'est croire en soi, c'est persévérer. C'est malgré peut-être les difficultés, eh ben, en fait, il faut toujours croire en soi et persévérer. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Et se dire, je vais y arriver, ce que je vais entreprendre, je vais y arriver. Donc voilà, comme on dit souvent, après la pluie, le beau temps. Surtout que là, il est en train de pleuvoir, donc on espère le beau temps après. Hein. Ah, c'est génial. Donc voilà, si un petit mot à vous dire à la fin, donc le bonheur n'est pas d'avoir tout, mais c'est d'apprécier ce que l'on a. Donc il faut pas avoir trop grand, il faut juste apprécier ce qu'on a, parce que parfois les petites choses sont les meilleures choses. Tout à fait. Voilà. Et du coup, ta mamie Mathis nous fait une dédicace. Alors j'ai noté. En fait, du coup, elle a rebondi sur ce qu'on était en train de parler. Déjà, elle nous remercie d'être là par un temps qui est pourri. Nous, on le voit pas, le temps. Donc oui, mais je pense qu'on peut l'entendre quand même, les gouttes qui tombent. T'avais pas entendu? Non, je n'ai pas attention avec la musique. J'avoue que de mon côté, j'ai un peu de musique fort. Donc oui, il y a des gouttes, des grosses gouttes. Et donc, elle dit que ça apporte quand même un baume au cœur d'avoir cette chronique, malgré du coup un temps qui est pas très beau. Elle dit que son positif à elle, qui permet de positiver à chaque fois, c'est ses petits-enfants, parce que elle les remercie, de les avoir, que ses petits-enfants les aiment, que elle aime très très fort ses enfants et ses petits-enfants et aussi ses enfants, je pense. Mais en tout cas voilà, son positif à elle, c'est ses petits-enfants. Donc si jamais vous voulez nous partager ce qui pour vous vous permet d'être positif lors de journées négatives, eh ben n'hésitez pas à nous appeler. Tout à fait. Et de dire le positif justement. Oui, c'est ça. Et pour cette dédicace, on écoute une musique de Ana Duarte, Corazón de Samba Mentir. Un peu le thème du sujet.

fin de notre émission d'aujourd'hui. C'est passé hyper vite quand même. C'est passé encore super vite. J'ai l'impression qu'on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, mais on a fait beaucoup de choses internes. Donc oui, on va dire que ça compense. Mais voilà. En tout cas, j'espère qu'on a passé un bon moment musical, en tout cas, que vous avez bien pu danser, vous amuser, rigoler avec nous, et prendre conseil des conseils que Philippa a donné aujourd'hui. Et oui, j'espère que vous avez bien noté. Et en tout cas, on vous remercie d'avoir été là ce matin, de nous avoir appelé aussi, parce que ça fait toujours plaisir. Oui, très. Plaisir de nous voir aussi, de venir un jour aussi. N'hésitez pas à venir nous faire un petit coucou. en tout cas, on se dit à très bientôt. La semaine prochaine, je crois que c'est l'émission de Christine. Mmh. Donc Christine sera là à l'antenne. Et on reviendra peut-être la semaine prochaine, d'après encore. Oui. Peut-être avec quelqu'un, peut-être pas avec quelqu'un. À voir. Sans doute, pourquoi sans doute, pas. Pourquoi pas. La surprise. On verra. Donc c'est merci. Pour ça qu'il faut nous suivre sur nos réseaux pour savoir. Et oui, comme ça vous saurez voilà. qui vient. En tout cas, on remercie aussi d'avoir eu Alexandre aujourd'hui. Bon, qui n'a pas parlé, mais qui était là quand même avec nous. On y arrivera la prochaine fois. On y arrivera quand même à un moment. Si au passage tu veux dire au revoir en même temps qu'on le dit, c'est mieux. Comme ça au moins on t'entend pas. Elle ne parle vraiment pas. Une bouche cousue. Ah ouais, on va apprendre. Mais si d'autres veulent apprendre aussi, n'hésitez pas à venir. Envoyez un petit mail à Radio Arc-en-Ciel. Vous nous appelez, vous envoyez un message. Donc voilà. C'est possible. En tout cas, on vous souhaite un très bon week-end, un bon samedi matin. Merci à tous et très bon appétit. Week-end. Bon vous appétit. Et ciao, ciao. Ciao, ciao. La radio 100% différente. 100% différente. Pour votre plaisir. Oh, mais où courez-vous? Faire de bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez, appréciez et consommez avec modération. Établissement Marguenau, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémoy. Téléphone 02 38 22 12 22. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. L-